بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات حياكم الله على طاعته. Donc nous allons continuer l'explication du livre intitulé Les Trois Fondements, livre écrit par le grand savant Cheikh al-Islam Muhammad Ibn Abdel Wahhab Rahimahullah Rahmatan Wasi'a. Donc après avoir mentionné la hijra, l'auteur nous dit « Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'installa à Médine, on lui ordonna d'accomplir les autres pratiques cultuelles de l'islam, comme la zakat, le jeûne, le pèlerinage, le djihad, l'appel à la prière, l'injonction du bien et la réprobation du mal. » et les autres pratiques cultuelles islamiques. Il vécut ainsi 10 ans, puis s'éteignit, mais sa religion a perduré. Voici l'islam, sa religion. Il n'existe aucun acte de bien sans qu'il ne l'ait montré à la communauté, ni aucun mal dont il ne l'ait prévenu. Donc l'auteur, rahimahullah, Rahmatan Wasi'a, lorsqu'il nous dit il n'existe aucun acte de bien sans qu'il ne l'ait montré à la communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré tout le bien à sa communauté. Il a été dit à un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Salman al-Farisi radiallahu anhu. Il lui a été dit, votre prophète vous a tout appris, même al-khira'a, c'est-à-dire même le comportement que la personne doit avoir lorsqu'il fait ses besoins et lorsqu'il est aux toilettes. Et Salman al-Farisi radiallahu anhu, il a dit, na'am, effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire nos besoins en direction de la Qibla. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Et donc ce hadith est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré tout le bien à sa communauté. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même montré à sa communauté comment se comporter lorsque nous sommes aux toilettes, alors que dire des choses qui sont plus importantes, telles que le tawhid, tels que l'obéissance et tous les sujets qui viennent après. Et donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré à sa communauté tout le bien, cela veut dire que ce qu'il n'a pas montré à sa communauté ne fait pas partie des choses de bien. Telles que le maulid par exemple, s'il y aurait eu du bien dans le fait de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait clarifié et il l'aurait montré aux musulmans. Mais il ne l'a pas fait. Et donc le fait qu'il n'a pas montré à sa communauté et il n'a pas dit à sa communauté de célébrer sa naissance, ceci nous montre qu'il n'y a pas de bien dans cette chose. Ceci nous montre qu'il n'y a pas de bien dans cette chose. Même si les partisans du Maulid vont te dire que ceci est une chose recommandée, ou ils vont te dire ceci est une bonne innovation, nous allons leur répondre que toutes les innovations sont mauvaises. Toutes les innovations sont mauvaises. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit et prenez garde aux choses nouvelles en religion. Car toute chose nouvelle est innovation et toute innovation est égarement. Et toute innovation est égarement. Rajoutons à cela que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas célébré sa naissance. Et ce sont les meilleures personnes après les prophètes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a mentionné, khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Les meilleures personnes sont les gens de mon époque, c'est-à-dire les compagnons. Ensuite ceux qui les suivent, c'est-à-dire les tabi'un, ensuite ceux qui les suivent, tabi' at-tabi'in. Naam. Ensuite, l'auteur, il dit, il n'existe aucun acte de bien sans qu'il ne l'ait montré à la communauté, ni aucun mal dont il ne l'ait prévenu. Le bien qu'il lui a indiqué est le monothéisme, et tout ce qu'Allah aime et agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chose la plus importante qu'il a montrée à sa communauté, c'est l'unicité. C'est le tawhid. Et quel enseignement on peut tirer de cette information? On tire comme enseignement que le musulman, il doit apprendre l'unicité. Et il doit privilégier l'unicité aux autres sciences. Et aussi, l'étudiant en sciences doit baser son prêche sur l'unicité. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la chose la plus immense qu'il ait montrée et indiquée à sa communauté. Donc si c'est le cas, le prêche de l'étudiant en sciences doit être basé sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur la mise en garde contre le shirk. Ensuite, il dit le mal dont il a prévenu est le polythéisme et tout ce qu'Allah déteste et récuse. Et la chose la plus importante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chose la plus importante contre laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde sa communauté, c'est le shirk. C'est le shirk billah subhanahu wa ta'ala. Et les prophètes, c'est la même chose. La chose la plus importante, ou plutôt la plus grave, que les prophètes ont mis en garde leur communauté, c'est le shirk. C'est le shirk billah subhanahu wa ta'ala. C'est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Luqman, lorsqu'il mentionne le conseil de Luqman à son fils, par quoi Luqman a commencé? Il a commencé par la mise en garde contre le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay la tushrik billah inna shirka la zulmun 'azim. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, ô mon fils, la tushrik billah, n'associe pas à Allah, inna shirka la zulmun 'azim, et certes le shirk est une grande injustice. Par la suite, qu'est-ce qu'il a dit à son fils? Comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, ya bunay aqimis sala wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika la min 'azmi al umur. Après cela, qu'est-ce que Luqman il a mentionné? La prière, ordonner le bien, interdire le mal. Mais il a commencé par quoi? La mise en garde contre le shirk. La mise en garde contre le shirk, et ceci est la voie des prophètes. Et ceci est la voie des prophètes. Appelé au tawhid, appelé à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et mettre en garde contre le shirk. Et leur prêche était basé sur cela. Donc celui qui veut prêcher, son prêche doit être basé sur cela. Et la personne qui prêche, mais son prêche n'est pas basé sur le tawhid, il est basé par exemple sur des histoires, comme le font certains conteurs aujourd'hui, parmi certains frères musulmans, ils n'appellent pas au tawhid, et ils n'enseignent pas les livres de tawhid, mais plutôt ils enseignent aux musulmans certaines histoires. Alors si vous voyez ce genre de prêche, alors sachez que ces gens ne sont pas sur la sunna, ils ne sont pas sur la voie des pieux prédécesseurs. Non. Il dit par la suite, Allah l'a envoyé à toute l'humanité et a imposé aux deux pesants, djinns et hommes, de lui obéir. La preuve à cela réside dans la parole d'Allah. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, dit aux hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à toute l'humanité. Et ceci est une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les prophètes avant lui était envoyé à un peuple bien précis. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité. Il n'a pas été envoyé aux Arabes seulement, mais il a été envoyé à toute l'humanité. C'est pour ça qu'après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à toute l'humanité a l'obligation de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit, par son biais, Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé la religion. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Et donc ici nous voyons que notre religion, l'islam, n'a pas besoin de rajout. Et celui qui rajoute dans la religion, ceci est de l'exagération. Notre religion est parfaite. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne nous dire aujourd'hui, il faut rajouter telle chose, il faut faire telle adoration, ou il faut faire telle chose pour se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car notre religion est complète. Ensuite, il dit, la preuve de sa mort est la parole d'Allah, en vérité, selon le sens, en vérité tu mourras, et ils mourront eux aussi, Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Et donc, ceci est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé dans la chambre de Aïcha radiallahu anha. Et la nouvelle fut très difficile pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et fait partie de la croyance des gens de la sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Au contraire de certains groupes déviants, tels que les soufis, qui selon eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore vivant. Et certains d'entre eux vont même plus loin, et ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient les visiter lors du Mawlid, et tout ceci, comme vous le savez, est un égarement évident. Wallahu al-musta'an. Ensuite, il dit, après leur mort, les gens seront ressuscités. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa qawluhu ta'ala, wallahu anbatakum minal ardi nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est d'elle que nous vous avons créé, et en elle, nous vous ferons retourner, et d'elle, nous vous ferons sortir une fois encore, ainsi que sa parole, et c'est Allah qui de la terre vous a fait croître comme des plantes, puis il vous y fera retourner, et vous en fera sortir véritablement. Ensuite, l'auteur, après cela, il nous parle de la résurrection. Et il dit, après la résurrection, les gens seront jugés et rétribués pour leurs actes. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. « وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى » Afin qu'ils rétribuent ceux qui font le mal, selon ce qu'ils œuvrent, et récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Donc l'auteur ici, il nous dit qu'après la résurrection, les gens seront jugés et rétribués. Donc que tout le monde sera jugé et rétribué. Mais il est bon de mentionner ici que tout le monde sera jugé et rétribué, sauf 70 000 personnes. Sauf 70 000 personnes qui rentreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Et la preuve de cela réside dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Les communautés me furent présentées. Je vis un prophète accompagné d'une poignée de personnes. » Un autre accompagné d'un ou deux hommes, et un autre que personne n'accompagnait. C'est alors qu'une foule immense me fut présentée, et je crus qu'il s'agissait de ma communauté. Mais on me dit, ceci est Moussa, alayhi salam, et son peuple. Je promenais à nouveau mon regard, quand je vis une autre foule immense. On me dit, ceci est ta communauté, 70 000 de ses membres, entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Et après cela, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont cherché à savoir qui sont ces 70 000. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a mentionné, ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse la ruqya, ni de cautérisation, qui ne consultent pas les augures et qui placent toute leur confiance en leur Seigneur. Et donc ces gens-là, ces 70 000 personnes, rentreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Naam. Ensuite, l'auteur, il dit, « Et quiconque renie la résurrection deviens mécréant. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu. Qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, Messie, par mon Seigneur, vous serez très certes ressuscités, puis vous serez informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'auteur nous dit « quiconque renie la résurrection devient mécréant », ceci à l'unanimité des savants. Celui qui renie la résurrection sort de l'islam, et ceci est de la mécréance majeure. Et l'auteur ici, il a mentionné ce sujet, le fait de renier la résurrection, car à l'époque, des gens reniaient la résurrection. À son époque, certaines personnes reniaient la résurrection. Et donc, le cheikh, rahimahullah, rahmatan wasi'a, pour réfuter ces gens, il a mentionné ce sujet dans ce livre. Il a mentionné ce sujet dans ce livre pour les réfuter et pour montrer leur erreur et leur égarement. Ensuite, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. Rusulam mubashirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Messagers, annonciateurs et avertisseurs afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait pour les gens point d'argument devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier d'entre eux est Nuh alayhi salam et le dernier est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La preuve indiquant que Nuh est le premier des messagers est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. Il dit par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un messager à chaque communauté, depuis Nuh jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui leur ordonne d'adorer Allah exclusivement et leur interdire d'adorer le Tawhid. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Tawhid ». Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un messager à chaque communauté. Et il leur a ordonné d'appeler les gens au Tawhid. Et aussi, il leur a ordonné d'interdire le shirk. Et l'auteur, il nous a mentionné la preuve. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Donc ce verset nous montre que tous les prophètes avaient le même but. Et ce but-là, c'est l'appel au tawhid et l'interdiction du shirk. Et lorsque l'auteur, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un messager à chaque communauté. À chaque communauté. Les savants ont mentionné que certaines communautés, certaines personnes n'ont pas eu de prophète et n'ont pas reçu le message de l'islam. Et la question qu'on se pose est la suivante. Quel est le jugement de ces gens dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, car ils n'ont pas reçu le message de l'islam? Doit-on les considérer comme des musulmans ou doit-on les considérer comme des mécréants? Et dans l'au-delà, quel est leur sort? Vont-ils aller au paradis ou vont-ils aller en enfer? Et la réponse à cela, ikhwani fillah, c'est que premièrement, dans la vie d'ici-bas, nous les considérons comme des mécréants. Nous les considérons comme des mécréants. Mais par contre, dans la vie de l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala va leur faire passer un test. S'ils réussissent à ce test, ils rentrent au paradis. Mais s'ils échouent, alors ils rentrent en enfer. Mais il faut savoir ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Et sa science englobe toute chose. Donc la personne qui va rentrer en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala sait que si cette personne, d'accord, aurait reçu le message de l'islam, elle aurait cru et elle se serait soumise. Mais par contre, celui qui va rentrer en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala sait aussi que cette personne, si elle aurait reçu le message de l'islam, elle n'aurait pas cru et elle ne se serait pas soumise. Non. Ensuite, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a imposé à tous les serviteurs de renier le tawhid et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, le tawhid est tout ce par le biais duquel le serviteur outrepasse ses limites, qu'il s'agit d'un être adoré, suivi ou obéi. Donc ici, l'auteur il nous mentionne la parole d'Ibn al-Qayyim. Et Ibn al-Qayyim, il dit que le tawhid est tout ce par le biais duquel le serviteur outrepasse ses limites. Allah subhanahu wa ta'ala a délimité toute chose. Par exemple, le père, le rôle du père est d'ordonner le bien à son enfant. Il doit ordonner le bien à son enfant, lui interdire le mal et l'éduquer dans le bien. Mais si le père vient à dépasser les limites de telle sorte qu'il dit à son fils de l'adorer, ici il a outrepassé les limites. Et donc il a ordonné à son fils de l'adorer. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que cette personne-là est en tawhid. Car Ibn al-Qayyim mentionne, le tawhid est tout ce par le biais duquel le serviteur outrepasse ses limites. Qu'il s'agisse d'un être adoré. Il dit à son fils, adore-moi en dehors d'Allah. Invoque-moi. Prosterne-toi pour moi. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire que cette personne-là est en tawhid. Par contre, peut-on dire que les prophètes sont des tawarit car ils sont adorés en dehors d'Allah? La réponse est non. Les gens pieux, les prophètes, ne doivent pas être considérés comme des tawarit, même si ils sont adorés. Par contre, ceux qu'ils appellent à leur adoration, on va les appeler tawarit. On va appeler cette personne tawarut. Pareil pour les statues. Mais les pieux, les vertueux, les prophètes et les anges, il est interdit de les appeler comme cela. Et donc Ibn al-Qayyim mentionne, le tawarut est tout ce par le biais duquel le serviteur outrepasse ses limites, qu'il s'agit d'un être adoré. Donc ça, on a déjà mentionné. Ou suivi. Par exemple, un savant dit aux gens de le suivre dans une chose. Par exemple, le savant, il dit, la fornication, c'est permis. Et il leur donne aux gens de faire la fornication. Et donc ici, cette personne-là, ce savant-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu une chose illicite, licite. Et il a ordonné aux gens de le suivre dans cela. Et donc si un savant viendra à faire ça, il sera considéré comme un tawarit, suivi ou obéi. Ensuite, il dit les tawarits sont nombreux. Mais leurs meneurs sont au nombre de 5. Il dit ensuite, donc ça c'est toujours la parole d'Ibn al-Qayyim, Iblis, qu'Allah le maudisse, celui qui est satisfait de l'adoration qu'on lui voue. Certaines personnes, ils appellent les gens à leur adoration. Ils sont satisfaits par cette adoration. Ces gens-là sont des tawarites. Ces gens-là sont des tawarites. Ensuite, il dit, celui qui appelle les gens à lui vouer une adoration. Pareil. Pareil, on va considérer cette personne comme un tarout. Celui qui prétend connaître une partie de la science de l'inconnaissable, telle que les voyants, ceux qu'on appelle les voyants, les médiums, les sorciers, d'accord ? Il rentre dans la parole d'Ibn al-Qayyim lorsqu'il dit « celui qui prétend connaître une partie de la science de l'inconnaissable ». Ensuite, il dit « celui qui juge par autre chose que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ». Dans cela, il faudrait plus détailler, mais ça va venir, inshallah, lorsqu'on étudiera le livre intitulé « Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'Islam ». Ensuite, il dit par la suite, la preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa, la infisama laha, wallahu sami'un 'alim. Donc la preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, nulle contrainte en religion, car le bon chemin c'est distingué de l'égarement. Donc quiconque renie le tawhid, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et c'est bien là le sens de la ilaha illallah. On trouve ces propos dans le hadith. La chose la plus capitale est l'islam, son pilier est la prière, et son degré le plus élevé est le combat dans le sentier d'Allah. Et ensuite l'auteur il finit cette risala en disant « Allah est le plus savant ». Qu'Allah couvre d'éloges et salue Mohammed, sa famille et ses compagnons. Et avec cela,